L'anneau, épisode de la guerre de Pologne, par Félix Pia. La nuit qui suivit la bataille de Praga fut orageuse à Varsovie. Des groupes, moitié torches, moitié poignards, s'arrondissaient bruyamment vis-à-vis le palais de l'ex-police impériale. Mille voix confuses, voix fortes et grêles, voix d'hommes et d'enfants, demandaient en chœur avec une harmonie effroyable la mort d'un homme. Au milieu du principal groupe, tombait lâche et pendante la corde d'un réverbère cassé, et des enfants guenis, à la figure fauve, riaient, balançaient la corde, et en jouaient à faire comme un nœud coulant. La lune argentait la figure blafarde d'un pauvre espion, lié, cerclé, étouffé de chaînes moins encore que de cette foule en appétit de mort, qui se serrait, s'augmentait, alléchée par une odeur de sang, et qui venait chercher là les joies de la vengeance et les voluptés du frisson. Leurs regards affamés se découpaient, se partageaient la victime. On dirait que le pauvre espion n'a pas assez de corps pour tous ses yeux. Abattu, sans mouvement, le voilà tombé dans cet état de transition qui n'est plus la vie et qui n'est pas la mort, dans cette crise d'anéantissement où vous jette l'extrême danger quand il est inévitable, quand il est fatal. L'espion les regardait tous et n'avait pas l'air de comprendre, insensible et stupide comme l'agneau qui regarde le boucher. La corde est bouclée, la corde est prête. Les enfants battent des mains et les hommes se dressent sur la pointe des pieds. La corde attend. Alors, le bras vigoureux d'un bourreau improvisé saisit le pauvre espion. L'espion le laissait faire, toujours impassible. Seulement au contact de l'exécuteur, un tremblement convulsif courait tout le long du corps. Non par crainte ou par douleur, c'était une secousse toute nerveuse, une commotion galvanique. C'était le frisson d'accès de la fièvre de mort. Meurs, meurs, espion. Praga est brûlée, les lanciers tombent, la Pologne est saignée au cœur, et les tiens, ceux que tu aimes, que tu sers, les tiens viennent nous imposer la peste et l'esclavage. Pas un cri de grâce pour toi, pas un cri de pitié, pas un regret, pas une plainte. Les femmes même ne te plaignent pas. Il faut donc que tu meures, exécuté sans procès, la nuit. Un espion meurt dans l'ombre. Sur cette place, espion russe, devant l'hôtel de la police russe, car là tu as bu, tu as chanté, là, quand il faisait froid pour nous à Varsovie, tu avais le printemps à domicile. Tu nous regardais geler dans les rues, de ta fenêtre, sur des tapis moelleux, avec du feu, des femmes et des fleurs. Là, nous t'avons chauffé, nous t'avons sué le champagne, là, nous t'avons nourri. Insensé. Ne savais-tu pas qu'on engraisse l'animal avant de le tuer? Meurtre expiatoire, réaction infaillible et méritée. La corde fit crier la poulie. Le corps se hissait lentement et la foule impatiente applaudissait. Tout à coup, on entendit poindre au loin le roulement sourd et cahoté d'une charrette pesamment chargée. Plus la charrette avançait, plus la foule prêtait l'oreille. Les roues avaient peine à marcher dans la rue toute dépavée. Enfin, l'attelage s'arrêta devant une barricade voisine. Alors, tous les spectateurs du supplice coururent à la barricade. L'espion fut laissé là. Adieu. La corde est lâchée et le corps reprend pied. Quelle est la puissance qui rompt la corde? Quelle est cette voiture mise en travers du supplice? L'espion espérait, quoi, je ne sais, un secours surnaturel. Dieu faisant un miracle pour le sauver, ou les Russes entrant à Varsovie. Mais ses oreilles entendirent bientôt un refrain patriotique et sublime. « Meurent les lanciers, vive la Pologne !» Puis des battements de mains, des embrassements, des cris de douleur, des cris de joie. C'était la voiture des blessés de Praga. Ces jeunes et braves lanciers, partis si robustes, si beaux, ils revenaient gâtés par la mitraille, incomplets. Il leur manque un bras, une jambe. Vos amantes vous reconnaîtront. Ils chantent « Meurent les lanciers, vive la Pologne !» Qu'importe les lanciers, qu'importe ces frais visages à la peau blonde et satinée, mutilée, défigurée, morts pour la Pologne, ils ne sont bons qu'à mourir. Et pourtant la vie est douce, alors qu'on n'a pas de barbe. Ils meurent en riant, en chantant. Ils meurent comme s'ils perdaient moins qu'un octogénaire, sans peine et sans regret. Ils n'ont pas encore l'habitude de vivre. Les soldats de l'escorte avaient accompagné la voiture, pieds nus. Leurs souliers étaient sur leur dos, dans le sac, pour traverser le faubourg, car il craignait d'user l'argent de l'État dans les boues du faubourg dépavés et détrempés par la pluie. Pendant que les soldats remettaient leurs chaussures, la foule était en train d'effacer la barricade qui retenait le convoi. Jamais on n'a vu chez des hommes autant d'activité, un travail si fort, si prompt, si unanime. Les fourmis seules font de ces remuements-là. Les pavés, les tonneaux, les poutres et les chaînes, tout se débrouillait comme on dénoue un nœud de fil. Tout s'enlevait aux mains de la multitude, comme un frêle papier saute à la cire électrisée. La rue fut déblayée nette, et la voiture passa aisément à travers deux lignes respectueuses de citoyens. La foule suivit la voiture qui se dirigeait vers l'homme à pendre. On lui avait laissé la corde au cou. Il n'avait osé crier au secours pour ne pas ramener l'attention à lui, mais se voyant entouré de nouveau, il demanda grâce. « Grâce !» s'écria un jeune blessé dans la charrette, debout, le front mal bandé d'un linge tout sanglant. Sa parole était brève et imposante. « Mes amis, quand le condamné rencontre la voiture du roi, il a sa grâce. Eh bien, le patient a rencontré la charrette des blessés. Cette majesté-là vaut bien l'autre. Donnez-lui la même puissance, qu'il vive. » Cette voix clémente d'un blessé, demandant pardon pour un ennemi, avait je ne sais quelle force qui brisa la colère du peuple. Le peuple est malléable. Il a les passions changeantes. C'est à qui détachera les liens du condamné. On ne pouvait le délivrer assez vite. Toutes les mains s'empressaient, se croisaient, se ruaient sur la corde, et par le zèle qu'il mettait à le sauver, il l'exécutait. « Tu es libre. Allons, lève-toi et bat-en. » L'espion ne répondait pas. « Tu es donc mort de peur ?» L'espion était mort étranglé. Et le peuple, qui naguère blasphémait de le voir en vie, pleurait maintenant de le voir mort. La tristesse et la peur étaient sur tous les visages. La foule et la voiture s'éloignèrent rapidement. Cependant, le jeune blessé qui avait obtenu la grâce du mort était tombé dans d'étranges réflexions. Au clair de la lune, il avait reconnu le mort, Michel Linsky, un ancien camarade aux gardes de Constantin. Ensemble, ils avaient été rivaux d'amour pour la jeune Maria, quand ils portaient tous deux la livrée impériale, quand ils faisaient sonner sur le pavé de Varsovie le sabre dont Constantin avait la clé. La révolution survint, l'un était resté aux Russes, l'autre avait déserté pour la patrie. À présent que le blessé connaissait la victime, il écoutait moins sa douleur. Je ne sais même quelle joie secrète et intime et refoulée à peine lui montait du fond de l'âme. Le rival n'était plus à craindre. Après tout, c'était un traître. Entre deux files de maisons brunes, fermées, éteintes du haut en bas, la voiture marchait comme un courbillard passe entre des tombeaux. L'une de ces maisons noires conservait encore une fenêtre allumée. Qui veille à cette heure? Un voleur? Un auteur? Non, c'est une jeune fille. Entrez, voyez, elle est ravissante. Un coude appuyé sur la table. Sa taille souple et dépliée se plie comme un coup de cygne. Elle rêve sans doute à son amant, mais elle lit aussi. La lampe fumeuse éclaire un numéro de la Gazette d'État. C'est que les femmes de Pologne ne songent pas qu'à leur amant. La voix publique lui avait dit vaguement la journée de Praga. Et son amant était à Praga. Elle en avait fait offrande à la patrie. Sans doute il avait été digne d'elle, il s'était battu bravement, il était peut-être blessé, tué peut-être. Cette idée passait dans son cœur comme l'éclair dans un nuage avec un long retentissement. Elle n'osait entamer l'affaire et se mettre à la bataille. Elle n'osait compter les morts de peur d'y trouver l'enseigne Stanislas. Enfin, elle parcourt hardiment le champ de bataille. En tête du rapport, Stanislas est blessé, par devant, dans une charge glorieuse contre l'ennemi, et renvoyé dans ses foyers jusqu'à la guérison. Elle le verra donc, défiguré. Qu'il sera beau, elle l'embrassera. Elle se promènera demain avec lui, sous son bras, par toute la ville. Elle ne lut pas davantage. Son esprit est allé au-devant du pauvre blessé, et voilà qu'elle songe délicieusement. Il entrait du patriotisme dans cet amour. La Pologne divorçait avec Nicolas en même temps que la jeune fille épousait Stanislas. Peu à peu, ses longues paupières baissent, et sa main laisse aller le journal. Elle dort. La lampe veillait toujours. Alors entra dans la chambre de la jeune fille un soldat polonais. Il est jeune, il est beau, il est blessé. Voilà Stanislas. Il la regarde dormir. C'est une de ces femmes qui sont belles, toujours belles, le matin, à midi et le soir. De ces femmes toutes fraîches, toutes roses, à la peau luisante et veloutée. Le sommeil l'entretenait dans une douce moiteur. Elle vivait à l'aise. Sa respiration était calme et facile, et de sa tête rejetée en arrière coulaient le long de ses joues de grosses boucles de cheveux blonds. Stanislas, dans une contemplation profonde, restait debout, immobile comme une statue scellée à son piédestal. Il l'examinait en détail comme on fait d'un beau cheval qu'on achète. La main de la jeune fille s'étalait blanche et fine sur ses genoux. Cette main, qui avait lâché le journal, la main gauche, celle qui porte d'ordinaire l'anneau d'alliance. Une douleur vive et soudaine crispa le front de Stanislas. Sur cette main nue, il ne voyait pas la bague qu'il avait donnée à Maria en partant pour la guerre. Les cinq doigts étaient veufs. Il saisit brusquement l'autre main et la regarde. Rien. Plus d'anneau, plus de collier, pas un bijou d'or ou d'argent dans ses cheveux, à son cou, à ses oreilles. Mais l'anneau de fidélité, où est-il? Qu'en a-t-elle fait? Stanislas écumait de colère. Une douloureuse idée lui vint au cœur, une idée de jalousie. Il regrettait de n'avoir pas regardé au doigt du pendu. La jeune fille dormait toujours. Il la secoua en blasphémant. « Réveille-toi, réponds, qu'en as-tu fait ?»« Me voilà. Ah, tu ne m'attendais pas si tôt !» Elle, épouvantée, ouvrait de grands yeux sans comprendre. « C'est moi, moi, Stanislas !» Il lui serrait le bras jusqu'à l'os. La blessure du soldat s'était rouverte, son sang coulait en abondance, et ses prunelles flamboyantes se dilataient d'une manière effroyable. La pauvre fille ne pouvait ni remuer ni parler, elle étouffait, c'était le cauchemar. « Michelinski est à Varsovie, tu sais bien Michel, celui que tu aimais mieux que moi, Michel, l'espion, il te l'a amené ici, je l'ai vu. J'ai bien demandé sa grâce, tiens, tu le verras de ta fenêtre, ils l'ont étranglé, tant mieux. » Il riait d'un rire infernal, d'un rire éclatant. « Ne prends pas le deuil, car ton amant est mort pour la patrie !» Et il ajoutait douloureusement, « Moi, j'ai tout sacrifié la patrie. Et pendant que je me battais pour elle, j'étais trompé, trahi. Allez donc vous faire tuer pour la patrie. Femme, femme au cœur mobile et changeant comme l'écorce du platane, femme si perfide, je te maudis. Allons, il ne suffit pas de fermer les yeux et de s'évanouir, de dire « Fais ce que tu voudras !» et de ne pas vouloir entendre. « Il faut que tu m'entendes, réveille-toi !» Et il la secouait de toutes ses forces. Elle était évanouie. Cette apparition, en pleine nuit, en plein sommeil, mêlée de sang et de blasphème, cette réalité horriblement fantastique, lui avait fait perdre connaissance. Quand elle revint à elle, le blessé était sorti. « J'ai rêvé !» s'écria-t-elle. « Et quel rêve affreux ! Je crois qu'il avait bien commencé !» La lampe n'éclairait plus. Une vague épouvante agitait tout son corps. À peine le jour blanchissait qu'elle entendit les crieurs publics annoncer l'arrivée des blessés de Praga. Elle avait déjà revu, se disait-elle, Stanislas tout sanglant. Elle ne savait pas où, elle ne savait pas quand, c'était la nuit, en songe. Alors elle tâchait de se rassurer, d'opposer sa faible raison aux lugubres fantaisies de son cœur malade, mais un cœur malade s'écoute, et l'impression de la nuit était trop vive pour un rêve. Stanislas, rentré à l'hôpital, restait dans un délire effrayant. Il maudissait la patrie et l'amour. À quoi sert-il donc d'être fidèle? L'autre trahissait la patrie, il était aimé. Oh, les femmes n'aiment que les traîtres. C'est qu'elle n'a point cherché à me détromper, ajoutait-il en tordant les draps de son lit. Elle l'aura donné à ce Michel. Si elle l'avait perdu, elle pouvait bien me dire, ton anneau, je l'ai perdu. Je l'aurais cru ou non, mais elle n'a pas pris la peine d'une excuse. Elle n'a point demandé pardon. Elle s'est réveillée à m'entendre. À m'entendre, elle s'est rendormie, l'infâme. Elle ne viendra pas me voir. Elle ne m'écrira pas. Le malheureux l'aimait quand même. Contre cet amour-là, il avait bien un remède, la mort. Et encore, si ce n'est pas le néant. Elle était là, sans cesse, devant ses yeux, impassible et froide, et belle à ravir. La sœur de charité qui faisait le service de la chambrée s'approcha de Stanislas et lui tendit une petite boîte cachetée. Une rougeur subite colora le front pâle du malade. Il arracha violemment la boîte des mains de la bonne sœur. Cette boîte, il la reconnaissait. Elle venait de Maria. Il l'ouvre. Au fond, dans un lit moelleux de ouate blanche, il trouve l'anneau d'alliance qu'il a donné à Maria, puis un billet. Ce n'était point l'écriture de la jeune fille. Le papier était aux armes de Pologne. À l'enseigne Stanislas, le gouvernement national. Pour un mois de solde, l'enseigne touchera cet anneau donné au trésor public par la citoyenne Maria, signé le ministre des Finances, X. Le gouvernement n'avait pas eu le temps de monnayer les dons et offrandes patriotiques. Stanislas est guéri, il se lève à la hâte, le voilà chez Maria, tremblant, inquiet, honteux à ne pouvoir lever les yeux sur elle. Il lui prit doucement la main gauche en lui disant « Qu'as-tu fait de mon anneau? Me reconnais-tu? Je suis Stanislas. » « Oh, c'est comme cette nuit, » dit-elle, « voilà mon rêve. » Mais à présent Stanislas parlait mollement. Son regard était tendre et sa main n'était pas forte. La blessure saignait toujours. C'était encore le rêve, moins l'effroi, moins l'oppression, moins le déchirement des cœurs. « Maria, pardonne-moi ma fureur, insensée que j'étais de t'accuser. » Elle ne comprenait pas. « Imagine-toi que je croyais ma bague donnée à Michel Linsky. » Elle ne comprenait toujours pas. Elle voulait lui causer de la guerre, des dangers de Praga, de ses blessures, du général en chef, comme si elle le revoyait pour la première fois. Lui parlait toujours de son anneau, de sa colère nocturne. « Oh, nous nous sommes déjà vus, disait-il, cette nuit, dans ta chambre. Tiens, l'épreuve, vois le sang sur ton tapis. » La vérité avait lui aux yeux de Maria. « Ce n'était donc pas un songe? J'y suis, s'écria-t-elle. Tu me demandais mon anneau. Je t'ai maudite. Oh non, je n'ai pas entendu. Tu dormais donc? Tant mieux. Cet anneau fatal, je l'ai, je te le rapporte, je te le rends. Le voici. » Maria remit la bague à son doigt. Quelques jours après, les deux amants agenouillés courbaient la tête ensemble sous un drapeau russe qui leur servait de poêle devant le maître-autel à la cathédrale de Varsovie. Ainsi s'achève l'anneau, épisode de la guerre de Pologne, par Félix Piat.